prendre leur impact. Signe pas de pacte avec le diable, mais garde au hasard. En fait j'y pense. Ma science c'est l'inconscience, bannit l'intolérance. Augmente mon arrogance face à la France. Dans une dictature, la politique de son gouvernement n'est jamais mise en cause. Tu vois de quoi je te cause. Ose me dire le contraire. Chevènement est impliqué autant que Bonnet ou le colonel Mazère dans l'affaire des paillotes. Et si c'est le seul attentat que l'État français commis, Jacques n'est pas un salope. Ma voix ne fait que irriter, susciter, qui est plus aiguillé. Mes frères vers la vérité, on vit dans une société au bord de la barbarie où l'injustice se tient droit. Se croit droit mais m'indique du fois coupable, mais pas responsable. Fabius a quitté, on frappe un bon coup sur la table. Alors que les gosses sonnaient avec la mort sur le dos, contaminés les pauvres sonnaient sur un terrain miné. Ouais, sur un terrain miné. Faut continuer à militer. Si je milite, c'est pour mes frères et mes sœurs. Pour qu'un jour ou l'autre nos cœurs soient remplis de bon cœur. Pour que nous crions nos pleurs. Prenez sens et tuteur, il y est. Vous êtes avisés. Si je milite, c'est pour mes frères et mes sœurs. Pour qu'un jour ou l'autre nos cœurs soient remplis de bon cœur. Pour que nous crions nos pleurs. Prenez sens et tuteur, il y est. Vous êtes avisés. Si je milite, c'est pour mes frères et mes sœurs. Pour éviter qu'un jour un frère me plante dans le cœur. La violence fait partie. Mon quotidien, on mène tous le même train. Mais on n'est pas tous dans le même train. On mène pas tous le même train de vie. Et ma valise, c'est mon cerveau. J'aimerais pas finir comme Lady Di, comme Kennedy. Disparaître pour apparaître comme Dorothée devant les miens. Chaque mercredi, devant une assemblée. Avisé, téléguidé. Moi je me bats pour une cause, je l'ai dit périmée. Le rap est une révolution. Le mec est dans ma possession. MC militant, ma seule et unique profession. Et je n'ai pas de limite. C'est pour le ménage à trois que je milite. Excite toutes les foules et instruis avec ma musique. J'ai pris parti, parti pris. Je continue ma vie en mission avec 333 000 visions que j'élargis. Bon, au micro, en studio et même sur scène. Et tu ressens cette joie et tu sens que c'est réel. Je me repentis du passé, m'ennuie du présent et je crains l'avenir. Militer pour ma cause, préserve mon avenir. Si je milite, c'est pour mes frères et mes sœurs. Pour qu'un jour ou l'autre nos cœurs soient remplis de mon cœur. Pour que nos cris et nos pleurs prennent sens et tuteur, il y est. Vous êtes avisés, si je milite, c'est pour mes frères et mes sœurs. Pour qu'un jour au long de nos cœurs soit rempli de bon cœur. Pour que nos cris et nos pleurs prennent sens et tuteur, il y est. Vous êtes avisés, si je milite, c'est pour mes frères et mes sœurs. Pour qu'un jour au long de nos cœurs soit rempli de bon cœur. Pour que nos cris et nos pleurs prennent sens et tuteur, il y est. Vous êtes avisés, si je milite, si je milite, si je milite, si je milite. Ouais. Ouais, c'est pour mes frères et mes sœurs. Ouais, Monsieur R. Ouais, troisième underground. Ouais, le MA13. Si je milite, si tu militais. Ouais, ouais.